What did you, what did you, boy? Yeah, yeah, yeah. I'm so on the map, eh? Dumla wecho ken. Oh, yeah. Man, dumla wecho ken. Nobody can take you away. Baby, come teach me, girl. Don't do me like Ashival. Baby, I'm a star boy. Buffet kill in your ring, I'm a ding a son. No. Feel a bit, your money feel a bit, your money feel a bit, your money feel a bit, your money feel a bit, your money feel a bit, your money feel a bit. Shorty, I saw my killer do. Your money feel a bit yum, yeah, I kill a do. Say money feel a bit yum, yeah, I kill a do. Say money feel a bit yum. Toi et moi pour la vie, tu me disais que rien ne pourra nous séparer, que sera toujours là. Franchement là, je ne te reconnais plus. Soir après soir, je me sors des bébés, je suis désolée. Là, je crois que je vais m'en aller. Je suis un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme. Your money feel a bit yum, yeah, I kill a do. Your money feel a bit yum.